طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كم أنواع اليعرب؟ أربعة. ما هي؟ النصب والرفع والخفض والجزم. طيب، أرف ما علامته الأصلية؟ الضمة. الضمة. النصب؟ فتحة. الجر؟ كسرة. الجزم؟ السكون. الضمة اللي علامته رف بقوة؟ الاسم بالفعل مضارع. نعم. والفتحة علامة النصب في ماذا كذلك؟ في الاسم والفعل مضارع. والكسرة؟ كسرة الاسم فقط. والسكون؟ للفعل فقط. Est-ce qu'il y a du jar dans les afal? لا. Est-ce qu'il y a du nasb dans les afal? Nasb dans les afal. نعم. Est-ce qu'il y a du raf dans les afal? نعم. Est-ce qu'il y a du jazm dans les asma? لا. Est-ce qu'il y a du raf dans les huruf? Est-ce qu'il y a du raf dans les huruf? نعم. لا. مبنية. أحسنت. إلى كم ينقسم الاسم من حيث التنويع؟ الاسم. نعم. الذي أخذنا في الآخر. أنا كروداني نعم. الجمع. ينقسم إلى كم؟ ثلاثة. أيوة. المتكرر. أيوة. السالم والمؤنث. والمؤنث السالم. لا لعبت في شيء آخر. لا خرجت. هذا تقسيم الجمع. أنا مش تقول depuis le début الاسم en lui-même. مفرد. أيوة. مفرد. مؤنث ومثنى. مثنى وجمع. أيوة. ثم الجمع. ثلاثة أقسام. ثلاثة أنواع. أنواع. ما هي؟ الجمع المذكر السالم. نعم. والجمع المؤنث السالم. نعم. جمع التكسير. أحسنت. طيب الآن نواصل. الآن سيذكر كلام المؤلف المتن وتولي شوية. نحن سنترجم فقرة فقرة ثم نأخذ شيئا من الشرح ونكمل الباقي غدا إن شاء الله. هنا وتولي شوية. قال باب معرفة علامات الإعراب. مناص بقنات لسن الإعراب. قال المصنف أي يعني في المتن الأجرمية. باب معرفة علامات الإعراب للرف أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الإعراب إلى كرسي: الضمة، الواو، ألف ونون. لأن ذكرنا أن الضمة هي العلامات الأصلية. سي لا باز. أبخي دي فو دي شوز أون بلاس. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرف في أربعة مواضيع. أنا الضمة بكات سيتواسيون. في الاسم المفرد وجامع التكسير وتكسير وجامع المؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهمت هذا؟ الضمة لسن الرف اسم مفرد سيجار سنجلي جامع تكسير جامع مؤنث سالم et le fil mudari si rien ne s'attache à sa fin. C'est quoi qui s'attache à sa fin? On va le prendre, c'est les amfil al-khamsa, la fin al-khamsa, les choses qui s'attachent à la fin du verbe qui font que son signe de raf c'est plus la dhamma, c'est autre chose. Donc ça c'est la dhamma. Wamma al-waw fatakun alamatan raf fi mawdi'ain ithnain fi jam al-mudhakkar al-salim wa fi al-asma al-khamsa. Donc le waw c'est un signe de raf quand dans le jam muzakkar salim et dans l'asma al-khamsa. Mais il y a l'asma al-khamsa: abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. طيب abuka معروف ton père, akhuka ton frère, hamuka le hamou c'est le proche du mari. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hamou al-maut. Le proche du mari ne sont pas permis pour la femme. C'est-à-dire demain elle est à la maison, Il n'y a pas le beau-frère, il rentre le frère du mari ou le cousin du mari. Quel est le hamoul maut? Fouka, ça vient de l'fem, la bouche. Si il dit quel est l'ak? Hadha fouka, c'est-à-dire hadha femouk, c'est ta bouche. Wa zumalin, zou, c'est une personne qui détient quelque chose. Zou. Takoul hadha foulen, zou akhrak tayyiba, il a des bons comportements. Hadha zou ilm, il a de la science. Hadha zumal, il a de l'argent. Ah ouais, c'est dire ça, mais khoui sira, je ne sais pas ça veut dire quoi. Allah wa zou, rahman wa asi'a, il détient la grande miséricorde. Donc c'est Asma al-Khamsa, Aramatu Rafi'a, c'est le waou. On va prendre les shurut après. Amma al-alifu, fatakun aramatan raf, fi tathnia al-asma khassa. Que le alif, ça signe de raf dans le muthanna. Dans le muthanna. Rajulani, mra'atani, mu'minani. Et ce marfou, comment tout ce qui marfou? Al-alif. وأما النون فتكون رامة رف في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. النون ورامة رف dans les أفعال الخمسة comme on les appelle. Celles qui sont dont il y a un ضمير qui s'attache, ضمير جمع يذهبون, ضمير de مثنى يذهبان ou ضمير du mukhatab mu'annath tadhhabina. On va les prendre après. Là c'est juste un tamhid. Donc ça c'est raf, d'accord? On a dit quoi? Kam aramat arba. Dhamma, waw, alif wa nun. Qala wa amma al-fathatu fatakun aramatan lin-nasb fi thalath mawadi'. La fatha dans trois situations. في الاسم المفرد النون سينغولير والجم تكسير طيب الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب في المضارع سي ان ناصب كي رون دسو ولم يتصل باخر شيء اكي يعني كي ستاش على لا فان استدير با دو واو با اليف با ديا يبقى تمون سوب كومون فتحه واما الالف فتكون رامه النصب في في الاسماء الخمسه نحو رايت اباك واخاك وما اشبه ذلك الالف سي سين دو نصب والاسماء الخمسه اسماء الخمسه الاسم دو راف سي الواو بس دون النصب ça va être le alif اما الكسره فتكون رامه النصب في جمع المؤنث السالم كلا كسره سي لو سين دو نصب comme on l'a pris dans le ta'bir. Donc quoi? Le jam, le mu'anath, le salim. Je vais te mettre sous avec une kasra. Tu ne diras pas ra'aytu al-muslima ta khata. Tu vas dire ra'aytu al-muslima ti. Non. Wa ma al-ya واما الياء فتكون علامه النصب في تثنيه والجمع alors le ya c'est signe du nasb dans le muthanna salana raitu muslimaini et dans le jam raitu muslimina quand il dit jam il veut dire jam muzakkar salim il veut dire quand il dit jam là il veut dire jam muzakkar salim واما حذف النون On l'a lu, le nasb, 5 alamat. Le nasb, 5 alamat, on l'a lu. Je ne m'en rappelle pas avoir lu ça. C'est où? Là, là, là. Le nasb, 5 alamat, le fatha, l'alif, le kasra, le ya, le hasf, le noun. On l'a lu ça? Je ne m'en rappelle pas. Pourquoi on a fait direct ma fatha? Ah, j'ai sauté cette phrase-là, afouen. Là, on parle du nasb. Le nasb, il a 5 signes. La fatha, elle nous a tous pris de filer, j'ai oublié de lire la phrase au début. La fatha, le alif, le kasra, le ya. Et maintenant, on prend quoi? Hafe Nun. Hafe Nun, c'est le retrait du Nun. يقول أما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. Donc on enlève le nun dans quoi? Dans les affaires les khamsa. On explique tout à l'heure. يذهبون تذهبين يذهبان طيب تذهبان و تذهبون. On appelle l'affaire les khamsa et eux quand ils sont mansoub, comment c'est quoi le signe du nasb? On enlève le nun à la fin. On enlève le nun. Et le signe du raf, si on met le nun. Ça va venir, l'amthila. Ça va venir, inshallah. Donc ça, c'est le nasb. On a pris raf, on a pris nasb. Ou le khaf dit, ayy jar, salathu aramat, al kassara, wal ya, wal fatha. Les trois signes du jar. La kassara, le ya et la fatha. Femme, la kassara, tout fatakoun ou aramatan, il khafd, fi salasti mawadir. La kassara dans trois situations. Fil ism el mufrad el munsarif. Dans le nom singulier munsarif. C'est quoi le munsarif? C'est celui qui n'est pas mamnoum el sarf. Et qui accepte le tanouin. Ça va venir également son bab, inshallah. Wal jam taksir el munsarif. En fait, je l'avais dit tout simplement, al-ism munsarif, sans diviser entre le mufrad et le jam, ça aurait été pareil. Lui, il a juste fait un détail. Il a voulu dire le singulier munsarif et le jam munsarif. Mais c'est les deux pareils. Kulu ism munsarif, aramatu jarrihi al-kasra. Qu'il soit un pluriel ou un singulier. Lui, il a juste voulu développer, lui, c'est tout. Mais s'il avait dit fil ism munsarif, ça aurait été plus direct. D'accord? Donc tu te chawache pas avec ce qu'il a dit mufrad munsarif ou al-jam taksir munsarif. طيب ثم قال وجمع المؤنث السالم. Jam mouanath as-salim, son jar, alamat al-jar, c'est quoi? La kasra. Adiya thalatha. Wa amma al-ya fa takun alamatan il-khafd fi thalathati mawadi'. Le ya dans trois situations. Signe du jar. Quand? Fi al-asma al-khamsa. Après qu'on écrit Abouka fil raf, Abaka fil nasb, ça va être Abika fil jar. Et les autres aussi pareil. Wa fi tathniya, hey, مثلاً تقول سلمت على مسلمين deux. Wal jam. Il veut dire quoi par jam? Muzakkar salim. Jam muzakkar salim. تقول مثلاً سلمت على المسلمين. وما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي ينصرف. C'est-à-dire la fatha va être le signe du jar dans le ism qui est mamnou min sarf. Tu vois, regarde, au début il a dit quoi? C'est un peu chawab sur les gens. Dans la kassa il a dit quoi? الاسم المفرد المنصرف والجم تكسير المنصرف. Et ensuite on se dit directement ism munsarif. فهمت? Ça peut, les gens peuvent dire pourquoi? Il y a combien de asma munsarif? En fait il y en a un seul. Et dedans, on rentre le jam et le mufrad. C'est pareil. Là, il a dit à la fin, ism munsarif, ça veut dire quoi? El mufrad el munsarif, ou el jam taksir munsarif. C'est juste là que le soub qu'il a pris, ça peut perturber. C'est la même chose. En fait, tout ism qui n'est pas mamnou min sarf. Voilà. Fakat. Et avec le tafsir, inshallah, tu vas comprendre. Al-Khafd, on a dit le jar, trois signes, la kassara qui est la base, l'ia qui la remplace, et la fatha, كذلك. Thumma qala wal-jazm, et là, la tansa kuna al-Khafd, al-jar, la yakun illa fi, fi mada? Fil-ism. Aywa, fil-ism. Wal-jazmi alamatan, snatan, al-sukun wal-hafd. Le jazm, il a deux signes, et le jazm, il est que pour l'afhal. Al-sukun ou le hafd. Le hafd, c'est quoi? C'est le retrait d'une lettre. فاما السكون فتكون علامه الجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر. كل السكون c'est le signe du jazm dans le fi' qui a un harf sahih à la fin. C'est quoi un harf sahih? Ce qui est pas harf illa, ce qui est pas waw, ce qui est pas ya, ce qui est pas alif. Ça va venir inchallah, le tafsil. Les mètres. Ah, les moudoud. نعم ça s'appelle pas med à ce moment-là. Ça s'appelle harf illa. Ya, waw, o, alif. T'inquiète pas, là c'est juste une qaddima, après il va faire le tafsil avec des exemples inchallah. Wa amma al-hadf fa takun 'alamatan al-jazm fi al-fi'l al-mudhari al-mu'tal al-akhir wa fi al-afal al-afal al-khamsa allati raf'uha bi thabat an-nun. Donc le hadf, par contre, le retrait de la lettre, c'est du jazm dans quoi? Justement dans le fi'l dont la fin est harf illa, un ya, un waw ou un alif. Ou également al-afal al-khamsa. Yadhhabuna, tadhhabuna, yadhhabani, tadhhabani, tadhhabina. Quand il est majoum, comment c'est quoi le site jazm? On enlève le nun. Mafoum? Qala. الان سناخذ فقط عرف لتفصيل يرف تمام يبقى لي غسل غدا ان شاء الله قال الشرح تقدم ان اقسام الاعراب اربعه وهي عرف والنصب والخفض والجزم طيب الاقسام للاعراب سوى كتر لكل واحد من هذه الاربعه مواضع تختص به وعلامات تدل عليه que chacun de ces اقسام الاعراب ils ont des moments qui sont spécifiques et des signes qui leur sont propres, qui les indiquent. Alain yabda bi araf. Arabatu alamat. Donc maintenant, alain sa yashrah ma karana sabikan. Tayeb, qisman qisman. Awalan, maintenant, il va commencer par le araf. Donc il va répéter ce qu'on a dit dans le matn avec des exemples et des i'rab. L'araf, arba alamat. L'araf, il a quatre alamat. Al-dhamma, al-waw, wal-alif, wal-nun. الضمه تكون علامه رفع في اربعه مواضع دونك لما يبا دوني لي زيكزامبل وي لا ضمه سي سين دو رفع متى الاسم المفرد نحو جاء الطالب جاء الطالب طالب سي اسم مفرد فتقول في الاعراب ماذا تقول فالطالب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه مفهوم هذا مرفوع بماذا طالب مرفوع بالفعل ايوه بالفعل سي لو فير كي لو روندي مرفوع جام تكسير نحو جاء الطلاب فالطلاب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه طيب جام تكسير سين دو رفع سي الضمه وجام المؤنث السالم نحو جاءت الطالبات جاءت الطالبات فالطالبات كذلك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لا يبقى المشكلة ورابعا الفعل المضارع المجرد عن الناصب والجازم ولم يتصل به شيء الفعل المضارع ولكن ينطقه ني جازم ني ناصب et qui à la fin n'a pas de noun qui s'est accroché quand on dit noun on va dire noun توكيد comme on va le prendre par la suite ou nun et niswa. Mais également, qui n'est pas parmi les afal et khamsa. Nahu, at-talibu yaktubu. At-talibu yaktubu. Fa yaktubu, fi'lun mudari'un, marfu'un. Limadha huwa marfu'? Quel est marfu' le fi'l mudari'a? Li tajarrudihi an an-nasib wal-jazim. Qu'il n'y a pas de nasib qui est rentré, ni jazim. Wa 'alamatu raf'ihi adh-dhamma. طيب علامة رفعية ضمة ça c'est la dhamma à quel moment l'isme du raf va le prendre les cas situations isme mufrad jam taksir jam mu'anath as-salim wal fi'l mudari' al mujarrad 'an al nasib wal jazim wa lam yattasil bi akhihi shay'un tamam al'an al waw yaqul 'alamatan li raf fi al mawdi'ain al waw Dans deux situations, les signes du raf. Mata. Fil jam, al muzakar al salim. Jam muzakar salim, c'est quoi son signe du raf? La. Waouh. La nun. Le nun, c'est. Il remplace le tanwin. On va le prendre ça plus tard. Le nun, il remplace le tanwin. Le sama, iwad, dans le tanwin. C'est autre chose. Le signe de l'arabe, c'est le waouh, tout seul. Nahu, ja'a al mujtahiduna. فالمجتهدون سيقول الإعراب فاعل مرفوع لماذا؟ لا كل مرفوع الفاعل فاعل سكول عامل كي لو دي مرفوع لا سي مجردي لا le fa'il ليس في الفعل ايوه سي لو فعل سكي رون مرفوع le fa'il سي الفعل le عامل sur le fa'il سي الفعل وعلامات رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم il sort de l'origine مفهوم هذا طيب والنون سي autre chose on a dit ça rentre pas dans علامات الاعراب il remplace le tanwin du ism nakira fakat c'est autre chose donc ça c'est première situation où il y a le waw deuxième situation où il y a le waw comme signe de raf al asma al khamsa nahu jaa abuka ou jaa akhuka ou jaa hamuka ou hadha fuka ou jaa dhumalin tamam al asma al khamsa hadi donc là on s'arrête à abuka fakat après les autres c'est la même i'rab فأبوك فاعل مرفوع بماذا؟ بالفعل وعلامة رفعه ماذا؟ الواو دي فوا يونيديز الواو تو سكي سور دو لوريجين نيابة عن الضمة كي رامبلاس الضمة فهمت؟ لسا تي بوبيجي دو لو دير جوست تو فان يعرف فريمون كومبليت افيك تو التفصيل تو اجوت سا اوسي نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة j'ai compris là. Tamam. Donc ça c'est le waw. Alamat al-raf fi mawdi'ain. Fi madha? Jam mudhakkar salim wa al-asma al-khamsa. Il est marfou, comme on sait qu'il est marfou par le waw. Thumma qal al-alif. Quand est-ce que le alif est alamat de raf? Qala fi al-muthanna. Duel. Nahu ja'a at-talibani. جاء الطالبان سيكون يعلم طالبان فاعل مرفوع ب فعل وعلامة رفعه الألف أحسنت طيب الألف لأنه مثنى ثم النون كاتخيم سين لرف النون وتكون علامة لرف في الأفعال إلى خمسة وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنتين دونك اون ريبيت دابور لو نون سي لو سين دو راف دون لي أفعال خمسة تو فعل وكيف ساكروشي ألف الاثنتين أو الجماعة أو يا المخاطبة بي اكسبيكي ماتنون مثلا سي كون كو اون ألف الاثنتين أو الاثنين بلوتو نحو الطالبان يكتبان الطالبان يكتبان فالطالب لا الشاهد كون فو سي يكتبان ليس طالبا نو فو يكتبان دونك يكتبان فير مضالع مرفوع لماذا هو مرفوع tu as marché sur tes lacets Pourquoi est-ce que le fi'l est marfou? Le fi'l, parce que il est tajarrudi. N'am, tajarrudi, le nasib et le jazim. Wa alamatu raf'ihi, ma hiya? Nun. An-nun. You call thubut an-nun. C'est là. Yaktuban ni. Ce nun-là, c'est le signe du raf. Attention, ce n'est pas l'alif. La takhrud bayna hadha wa al-musanna. Huna l'alif et hadha al-fi'l wa fa'il, c'est un damir. Yusama alif al-ithnayn. C'est un dhamir. C'est un ism. Ça, on va le prendre dans le fiel. Kazalik. Ça va revenir plus tard. Inta rakiz ala nun, fakat. D'accord ? Le signe du raf, c'est quoi ? Un nun. Qal. Donc là, c'est un des afal et khamsa. Celui dont, auquel c'est attaché alif les snein. Yaktubani. Thumma, deuxième catégorie de l'afal et khamsa. Celui auquel c'est accroché waw al jama'a. مثل الطالب الطلاب عفوا الطلاب يكتبون فيكتبون فعل مضارع مرفوع لماذا مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ما هي؟ النون. النون. ليس الواو، انتبه، الواو ليس علامة رفع في الفعل. Ce واو là, c'est comme le alif au-dessus. C'est un ضمير. C'est lui le فاعل, c'est lui le sujet. واو الجماعة. Et l'autre c'est alif الاثنين. Nous on veut quoi? Le شاهد c'est le نون. Parce qu'au début les gens s'embrouillent, ils vont dire علامة رفع الواو. C'est pas un جمع مذكر سالم. C'est pas l'asma al-khamsa. C'est autre chose. Ça se ressemble, ça se mélange, ça prend de la confusion. Donc il y a besoin de tout casser dans la tête. Inch'Allah, après le temps, ça t'affame, ta maman. Troisième forme de asma al-afal khamsa, ce qui est attaché à quoi? Au yel mukhataba. Nahu anti taktubina. Anti taktubina. فتكتبين سيكوا الإعراب فير مضالع مرفوع لماذا لتجرده الناصب والجازم وعلامة رفعه ماذا النون النون أحسنت أما لويا سيالة سي الفاعل سي ان ضمير attention سي ان ضمير كم لو أليف دون يكتباني كم لو واو دون يكتبون كم يسي تكتبين سي دا ضمائر سي با دي علامة دي إعراب. Ce sont des damaïr, ce sont des asma. Et ce sont eux les sujets. Dans yaktubina, le fa'il c'est ya. Dans yaktubuna, le fa'il c'est waw. Et taktubani, le fa'il c'est al-alif. Et le aramatu raf, c'est le nun qui est à la fin. Ni, na, na. Ces trois nun là. Fahim ta'ala? Taïb. Ça c'est le dars d'aujourd'hui. On va s'arrêter là, inshallah. On a pris les aramates du raf, qui sont de 4, la dhamma, le waw, le alif et le nun. D'accord? La dhamma quand? Dans l'ism mufrad. Dans jam taksir. Dans jam anath salim. Et dans le fir mudalir, qui n'ont rien de s'attacher à la fin. D'accord? On a pris quoi également? Deuxième, al-alif. Qui est Sindorof, Mata, Filmuthanna, At-Talibani. Là, le alif, c'est Alamataraf. Voilà, mais ça, c'est dans les asma, en fait. C'est dans les asma. L'autre, c'est dans les afal. Naam, confond pas. C'est ça, c'est ça. On a pris quoi également? Noun, Thubouten Noun. Ah, on a oublié le waw. Également le waw, Sindorof, quand? Dans le Jamuzakar Salim, Al-Muslimouna. Il est morfo, pourquoi? Pour le waw. Et dans les asma al-khamsa, abouka, wa akhouka, wa hamouka, wa fouka, wa zumalin. Ils sont marfour, c'est quoi le signe du raf? Waouh. Et à la fin, on a pris le quatrième signe, nun, qui est signe du raf, dans quoi? Al-af'al al-khamsa. Al-af'al al-khamsa. Qui sont? C'est quoi l'af'al al-khamsa? Yadhabouna. C'est l'exemple qu'on dit yadhab, ça peut être n'importe quel verbe. Yadhabouna ou tadhabouna. ويذهباني تذهباني وتذهبين c'est 5 là on ajoute un damir à la fin le waw jama'a ou alif al-ithnain ou yal mukhataba donc attention ne confond pas entre les asma la frère les khamsa et les autres les waw ne sont pas les mêmes les alif ne sont pas les mêmes et les nun ne sont pas les mêmes tamam c'est il faut que tu rakkaz tamam au début ça va être un peu confus بعد الوقت inshallah ستميز بينها مفهوم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين